Nous saluons chacun de vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 31. Par rapport à notre calendrier, c'est le dernier jour de l'année. Kufatana na kalendari yetu, leo ndio siku ya mwisho ya mwaka. Et si cela est la volonté du Seigneur, kama ni mapenzi ya Mungu, demain ça sera le premier jour de l'année 2021. Kesho itakuwa siku ya kwanza ya mwaka wa 2021. Nous vous souhaitons toutes les bénédictions spirituelles. Nous vous souhaitons. Tunamitakia. Vous m'obligez chaque fois à vous regarder pour interpréter. Ce sont les écouteurs. Nous vous souhaitons toutes les bénédictions spirituelles. Tunamitakia mabaraka yote ya kiro. Physique, ya kimwili, financière, ya kifedha, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mujina ya Bwana wetu Yesu Kristo, que Dieu vous accorde à chacun de vous, Mungu apatie kila mmoja wenu, ce qu'il a manqué dans l'année qui va bientôt s'écouler. Ile alikosa kupata muhimu mwaka itamalizika sasa hivi. Mais une chose est vraie. Kitu kimoya cha kweli ni nous ne devons pas compter les jours comme des païens. Hatuwezi kuhesabia masiku sa bapagano hapana. Se réjouir d'avoir fini l'année. Kufurahikia vile unamaliza mwaka n'a pas d'importance devant Dieu. Akina na mafaa mbele ya Mungu. Si on n'a pas accompli une bonne œuvre pour le Seigneur. Kama au kumutumikie mzuri Mungu. Dieu vous a gardé en vie. Mungu alikuchunga mzima. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant toute cette année qui sera bientôt derrière nous. Sasa ni nini ilo rufanya ko muhimu mwaka hii inaanza kumalizika hii. Je pense que ça devait être une journée de méditation et d'inventaire. Ilipashi kuwa siku ya kufikiri na ya kuchunguza maisha. Pour voir là où nous n'avons pas bien agi. Kuangalisha ni fazi kani ya kutende mzuri. Là où nous n'avons pas honoré le Seigneur, que nous ayons un temps dans cette année qui vient d'arranger ce que nous n'avons pas fait correctement. Ili tupate kuwa na wakati ya kutengeneza bile atukutende sawa sawa. Et vous devez savoir que chaque année qui passe diminue les jours de votre séjour terrestre. Munapashi kujua kwamba kila mwaka ile kunapita ikunapunguza umasiku yako ile urupashi kuishi pa dunia. Et vous vous réjouissez seulement de l'approche de votre mort. Manake ukunafurahi tu vile unakaribia na kufa kwako. Mais le plus important dans tout cela c'est être prêt. Kya mafaa mobile biote ni kuya tayari. Si le Seigneur permet kama Bwana Mungu anaruhusu que vous alliez jusque en 2021 uingie na 2021 ça doit être pour son œuvre. Inapashi kuwe juu ya kazi yake. Et ça doit être pour votre préparation. Na inapashi kuwe juu ya matayarisho yako. Afin de corriger les tirs. Ili upate kunyolosha bila vikunyoloke. C'est ça la chose la plus importante. Jo kitu ya mafaa kabisa. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Je voulais poser une question comme demain c'est une journée fériée. Nalipenda kuuliza ulizo sawa vile kesho ni siku ya sipo batu kwenda mkazi. qui sont d'accord que le culte de demain se fasse le matin. Ya kwamba ibada ya kesho tuifanye asubuhi. Je voulais qu'ils sont d'accord que cela se passe le matin. Ni banani banetikia kesho mkusaniko ifanyike asubuhi. Banyoroshe mikono yulu. Abaissez vos mains. Mushushe mikono. Ils sont d'accord que le culte se fasse le soir. Ni banani banapenda mkusaniko ifanyike mangaribi kesho. Mangaribi banyoroshe mikono yulu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki mshushe mikono. Donc la majorité a décidé. Manake ba mingi banachugua mpango. Qu'on fasse le culte demain matin. Tufanye mkusaniko kesho asubuhi. Comme cela se fait toujours chaque dimanche. Vile inafanikaka kila siku ya yenga. Alors nous invitons les frères et les sœurs. Manake tunaalika banduku na badada. Même ceux qui ont voté pour l'après-midi. Hata wale wanachakula sema shi tunapenda tukusanyike magharibi. De venir demain matin. Bote kesho bakuwa asubuhi. Pour adorer, remercier le Seigneur. Dieu a kuabudu na kumshukuru Bwana Mungu. Et après la prédication de la parole. Kisha mahubiri ya neno la Mungu. Nous allons vous libérer pour retourner chez vous à la maison. Tutamiacha murudie ku milango yenu. Levez-vous pour la prière et la lecture de la parole. Musimame juu ya maombi na juu ya kusoma neno la Mungu. Nous te bénissons, notre Père céleste. Tunakushukuru baba yetu wa kumbingu. L'année qui va s'achever bientôt. Ni mwaka iko namalizika sasa hivi. A été une année très difficile. Ilikuwa mwaka moya nguvu sana. Il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont passés. Kulikuwa mambo mengi ilionekana. Que ce soit au niveau de notre église. Ikiwa ta katikati ya kanisa yetu. Que ce soit au niveau de la politique nationale. Ikiwa ta musiasa ya inchi mzima. Que ce soit au niveau mondial. Ikiwa ta mambo ya ulimwengu mzima. Nous comprenons seulement. Tunaelewa tu ya kwamba. Que tous ces signes et toutes ces difficultés. Ya kwamba hii magumu yote na hii alama yote. Annonce que ton retour est imminent. Inatangaza ya kwamba kurudi kwako kunakaribia. Mais nous en tant que chrétiens. Sasa sisi sawa wa Kristo. Nous te disons merci. Tunakushukuru. Parce que tu nous as donné la santé. Kwani ulitupatia afya njema. Tu nous as donné la vie éternelle. Tu nous as donné la vie éternelle. Ulitupatia buzima ya milele. Tu nous as donné la parole. Ulitupatia neno. Seigneur, nous sommes très reconnaissants pour cela. Bwana, tunakushukuru sana juu ya ile. Maintenant, nous te demandons pardon. Sasa tunakuomba usamaha. Là où nous n'avons pas agi correctement. Pale hatukutende mzuri. Nous avons manifesté de la faiblesse et de la négligence. Tulionyesha udhaifu na udhaifu. Vis-à-vis de ta parole. Mbele ya neno lako. Et de ton œuvre. Na mbele ya kazi yako. Nous nous humilions pour demander pardon. Tunanyenyekeza juu ya kuomba buluma. Pardonne nos iniquités, ô Père. Usame uovu wetu baba. Et prends nos péchés, jette-les dans la mer de l'oubli. Na uchugue zambi yetu itupe ndani ya bahari ya kusabu. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Tunakuomba mujina Yesu Kristo. Si vous permettez que nos pieds et nos yeux puissent encore voir le 2021. Kama unaruhusu macho yetu na miguu yetu ipate kuona mwaka wa 2021. Que ce soit pour nous une année de progrès. Ikuwe kwetu mwaka ya maendeleo. Là où nous n'avons pas agi correctement. Pale hatukutende sawa sawa. Nous voulons redresser nos torts. Tunapenda tunyoloshe makosa yetu. Et marcher correctement, Seigneur. Na tutembee mnamna mzuri Bwana. Nous ne sommes pas des aveugles et des insensés. Sisi hatuna bipofu na watu wajinga. Une grande lumière nous a été donnée. Nuru munene ilitupewa. Pour éclairer notre chemin. Juu ya kuangazia njia yetu. Réveille-nous, ô Père. Utuamushe baba. Aide-nous à nous relever. Utusaidie tupate kuamka. Aide-nous bien-aimé à marcher correctement. Utusaidie tutembe mzuri mzuri. Parce que tu as dit sans toi nous ne pouvons rien. Kwani ulisema bila wewe hatutaweza kitu. Au reste, Père. Kwa ile inabakia baba. Que toutes les bénédictions rédemptrices. Mabaraka yote ya ukombozi. Que tu nous as acquises au bois du calvaire. Ile ulitununulia kumsalaba. Repose sur chaque frère et chaque sœur. Ipate kwa yulu ya kila ndugu na kila dada. Merci Père. Asanti Baba. Ce soir. Mangaribi ya leo. Nous sommes encore en ta présence. Tunakuja tena muwepo wako. Bénis la parole que nous allons lire. Ubariki neno ile tutasoma. Sois l'interprète de celle-ci. Upate kwa mutafsili wayo. Élève nous tous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Utunyanyue sisi wote pale pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Merci Seigneur. Asante Bwana. Nous pouvons nous souhaiter des bénédictions de nouvelle année. Tunaweza kutakiana mabaraka ya mwaka mupya. Mais celui qui bénit c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Alakini ule kuna bariki ni wewe Bwana Yesu. Et le terme le plus important que nous pouvons prononcer sur ton église, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse l'église de Cambodge, et qu'il bénisse le corps entier de notre Seigneur Jésus-Christ sur toute la terre. Bénis tes serviteurs dans le monde entier qui défendent la vérité. Nous souvenons de notre frère Ewald Frank. Tunakumbuka ndugu yetu Ewald Frank. Qui est devenu faible. Ule anakuwa na mzaifu. Assiste le Seigneur. Umusaidie Bwana. Bénis tous nos grands frères dans la foi. Ubariki bakubwa yetu bote muimani. Tous nos aînés dans le ministère. Bale bali tutangulia mutumishi. Et bénis le conseil de l'église. Ubariki shauri ya kanisa. En particulier. Ya Kambove kwa upekee. Notre chorale et ses conducteurs. Waya yetu na viongozi yao. Chaque membre de cette église. Kila member wa hii kanisa. Celui qui la soutient. Ulana isaidia en toute chose, mubitu biote, que la bénédiction de l'Éternel, baraka ya milele, demeure sur lui, ipate kwa yulu yake. Merci Seigneur. Asante Bwana. Au nom de Jésus Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Dans Exode. Mwa Ezra. Au chapitre 4. Ezra sura ya 4. Dans son verset 1, nous lisons. Mustari ya kwanza tuko nasoma hivi. Les ennemis de Juda et de Benjamin, wadui wa Yuda na wa Benjamina, apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Walipata habari ya kwamba batoto bale balitokea mufungwa balikuwa na yenga hekalu ya wamilele na ya Mungu wa Israeli. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille. Wakakuja mbele ya Zorobabel na ya wakubwa wa majamii. Et leur dire, na kuambia, nous bâtirons avec vous. Tutayenga pamoja na mweye. Car comme vous, kwani sawa mweye, nous invoquons votre Dieu. Tutaomba Mungu wenu, tunaomba Mungu wenu. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Asa Adon. Na tunamtolea masadaka tangia wakati ya Asa Adon, roi d'Assyrie, mufan, qui nous a fait monter ici. Mufalme wa Suria ule alitupeleka hapa. Mais Zorobabel. Alakini Zorobabeli, Josué, Yoshua et tous les autres chefs de famille d'Israël les répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Pagavile ariagiza mfalme Asuero mfalme wa Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Pale bantu ya inchi bakanza kulekesha taifa ya Yuda. Ils intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Barkwana basonga jubashi babazuize bashijenge. Donc balance ko fanya bok. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ils en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse. Et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Kufika na mutawalo ya Darius mfalme wa Persa. Et sous le règne d'Assyrus, chini ya utawalo ya Asuero, au commencement de son règne, kumwanjo ya utawalo yake, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Bakandika mastaki ya kustaki ba bakaji ya Juda na ya Jérusalem. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Les travaux de la construction, de la reconstruction de la maison de Dieu. Kazi ya kuyengulula kwa nyumba ya Mungu. Qui avait bien commencé sur l'ordre de Cyrus. Ile ilianzaka mzuri chini ya gizo ya mfalme Asuero. Fut arrêté et cela pendant 3 ans. Ile kazi barishimamisha kadiri ya miaka 3. Parce que les ennemis de Juda et de Benjamin. Kwani baadui ya Juda na ya Benjamina. En voyant que Zorobabel, Josué et les chefs d'Israël avaient refusé de les associer à cette entreprise. Ile bariona ya kwamba Zorobabel, Yoshua na bakubwa ya jamii ya Israel bariba kataria kubaunga ile kazi. Découragèrent le peuple. Ils l'ont fait par intimidation. Ils ont fait par la corruption des conseillers et du roi. Ils ont même corrompu les hommes influents parmi le peuple juif. Bari kata milomo hata katikati ya batu benye kwa na uvuto katikati ya batoto ya Israeli. Et ils ont fait ce travail, ce mauvais travail. Bari fanye le kazi ya mbaya. Et les travaux boitaient. Na kazi ya majengo ikasukuta. Pendant tout ce temps. Mwile wakati yote. Et pendant toute la vie du roi Cyrus. Na mumaisha yote ya mfalme Asuero. Nous avons parlé cela hier presque dans un angle évangélique. Pour parler de nous-mêmes. De gens qui se trouvent au milieu de l'église. Qui en réalité n'ont pas à cœur l'œuvre du Seigneur. Mais ce sont les ennemis de Dieu et les ennemis de la vérité. Ennemis aussi des enfants de Dieu. Ces hommes et ces femmes que nous retrouvons dans l'église. Qui ne jurent qu'à l'échec de ce qui se fait parmi le peuple de Dieu dans l'église. Qui ne veulent jamais voir cette église prospérer. Mais qui, par intimidation, il intimide certains frères et certaines sœurs pour les empêcher à faire l'œuvre de Dieu. Quand quelqu'un critique un frère, quand quelqu'un critique une sœur, quand quelqu'un critique votre pasteur, quelqu'un il méprise votre ancien ou votre diacre, il critique votre prédicateur, c'est une intimidation. Il est en train de te faire. Il te fait une pression pour que tu ôtes ta confiance dans ces hommes. Et Dieu ne travaille pas avec les vents, avec les anges. Dieu travaille avec les hommes qui ont des faiblesses d'une manière ou d'une autre. Mais quand quelqu'un vient, il méprise les hommes que Dieu t'a donné, des femmes que Dieu t'a donné, pour fraterniser avec vous, pour t'encourager à bâtir la maison de Dieu, pour bâtir ta foi, il méprise votre pasteur et vos anciens, c'est parce qu'il ne voudra pas que l'œuvre de Dieu se fasse correctement. C'est une intimidation. kubishana, kushikishana boka. Vous donne, vous rend un service. Wakati mtu anakutumikia. Avec l'intention de vous gagner dans le mal. Na nia ya wewe kukufuta mbaya. Et tout cela se passe dans l'église. Na ile yote inafanyika mkanisa. C'est une corruption. Ile ni ukata kwa milomo. Pour que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Dia, kazi ya Mungu ishendelee. Mais chacun de nous doit être vigilant. Lakini kila mmoja wetu anapaswa kusopoka. Et nous devons être sur nos gardes. Na tunapaswa kukeba ange. Nous sommes des frères, mais tout le monde n'est pas un véritable frère. Tout le monde n'est pas une véritable sœur. Comme nous l'avons déjà montré, c'est la raison pour laquelle vous voyez, dans l'église, il y a plusieurs comportements. C'est plusieurs comportements révèlent ce qui se trouve dans le cœur des gens. Quand vous voyez de la haine parmi les gens, vous voyez des critiques parmi les gens, vous voyez des rancunes parmi les gens, vous voyez des calomnies parmi les frères et les sœurs, c'est l'œuvre du diable. Cela n'a jamais été l'œuvre de Dieu. Nous avons abordé cela de cette manière pour que vous compreniez aussi ce qui s'est passé de l'autre côté. Et ils ont reconstruit la maison à Jérusalem. Mais nous reconstruisons la maison de Dieu en nous. Nous avons parlé du tabernacle du Dieu vivant qui commence sa fondation par la foi et qui s'achève par l'amour qui est le Saint-Esprit. Et si quelqu'un vous empêche de venir à l'église écouter la parole, il vous décourage. C'est un ennemi de Dieu, c'est un ennemi de l'église, c'est un ennemi du peuple de Dieu. Il ne veut pas voir que les gens soient sauvés. Alors il fait d'influence négative sur les membres de l'église afin qu'ils n'évoluent pas. Et aussi longtemps que vous écoutez les ennemis de Dieu et de l'église, vous continuerez à boiter dans votre marche spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Mais au temps du roi, Atarzès, ses ennemis de Juda, écrivirent une fausse lettre au roi Assyrus avec de fausses accusations contre les Juifs par jalousie. Qui lui aussi les écouta et arrêta la reconstruction. Nayo huyu mfalme alibasikia na akasimamisha majengo. Bien-aimés frères et sœurs, bapendwa banduku na badada, les fausses accusations, mastaki ya bongo, viennent toujours des jaloux. Inatokeaka kila mara kwa batu ya bwivu. Les fausses accusations, mastaki ya bongo, viennent toujours des gens qui sont remplis de la haine dans leur cœur. Inatokeaka kila mara kwa batu wenye kuyala na buichuki mumoyo yabo. Voilà toutes les choses que nous avons énumérées hier. Munaona bibi yetu biote turehesabia jana. Sont les fruits de la haine. Ni matunda ya chuki. C'est vrai, frère. Bia kweri nduku. C'est vrai, ma soeur. Bia kweri dada yangu. Lorsque nous prenons Ezra chapitre 4. Tukichugua Ezra sura yake ya 4. Au verset 11 à 16. Mustari ya 11 kufika na 16. Ici nous trouvons la copie de la lettre que les ennemis de Judas et de Benjamin envoyèrent au roi Artaxerxès. Hapa tunaona kartasi ya barua ile ya waadui walimwandikia mfalme Artaxerxès. Ils dirent ceci. Wakisema hivi. Tes serviteurs. Au verset 11. Mstari wa 11. Watumishi yako. Tes serviteurs. Watumishi yako. Les gens de ce côté du fleuve. Aba bantu ba ingambo ya mto. Quand vous lisez déjà la lettre. Mukisoma tu hii barua. Elle commence par des flatteries. Inaanza kwanza na misemo ya kubembeleza. Vous voyez. Munaona. Pour montrer au roi Artaxerxès. Je akonesha kwa mfalme Artaxerxès. Que ces siens l'aimaient beaucoup plus que les fils de la captivité. Il dit, nous sommes nous ici tes serviteurs. Dans son verset 12, que le roi sache que les juifs partis de chez toi, ya kwamba mfalme ajue ya kwamba awa wayuda wale walitokea kwako et arrivé parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante. Écoutez les na warifiko mu Jerusalem na kwanza kuyenga muji tomboji ya tombozi na ya babaya en relevant les murs et en restaurant les fondements. Mukushimamisha bibumbazi na mukurudisha misingi. Que le roi sache donc que mufalme ajue kumbi ya kwamba si cette ville est rebâtie ya kwamba kama hii muji wanaiengulula et si ces murs sont relevés na kama hii mabibumbazi wanabisimamisha ils ne payeront ni tribut abatalipa wala kodi ni impôt wala mpalata ni droit de passage wala rusa ya kupita et que le trésor royal en souffrira na manake mu mwazina ya mfalme mtakuwa tena fedha. Quelle flatterie. Kubembeleza kani kule. Écoutez comment ils ont parlé. Musikilize namna kani barisema. Ils ont commencé d'abord. Barianzia kwanza. Par se présenter en bien. Kujonekanisha sa watu bazuri. Devant le roi. Mbele ya mfalme. Ils présentent mal les juifs. Banaonesha mbaya ba Yuda. Ils présentent la ville de Jérusalem comme une ville rebelle. Wanaonesha kwamba mji wa Yerusalemu ni mji wa batombozi. Habite pale méchant. Yenye kuketi na batu babaya baovu. Quelle fausse accusation. Mastaki kani ya bongo ile. C'est vrai. Bia kweri. Ils ont réveillé de la haine. Barila musha chuki. Dans le roi Assyrius. Ndani ya moyo wa mfalme Assyro. Ils l'ont dit au roi. Comment bien vous faites mais? Que si ces gens rebâtissent la ville? Comment va vendre votre yengulu la ils ne payeront pas de taxes. Abatali patena kodi. Ils n'auront pas d'impôts. Akuta kwa tena kulipa palata. Même les droits de passage ils ne vont pas payer. Ata rusa ya kupita abatali patena. Les trésors. Na azina. Royal ya souffrira. Azina ya kifano mabuta kwa tena pesa. Voyez. Munaona. Or, Japo, verset 14. Kuminaine. Comme nous mangeons le sel du palais, écoutez. Sawa zile tukunakula chumvi ya munyumba mfalme. Flatterie aina kintu kizuri ata. Flatterie n'est pas une bonne chose, mon frère. Quand un méchant prend le langage d'un flatteur, wakati mtu mbaya anachukua msemeo ya kubembeleza, il ne faut pas le croire. Haipashi kumuitikia. Or comme nous mangeons. Japo sawa vile tukunakulako. Le sel du roi. Chumvi ya mfalme. Nous avons une part à la royauté. Na sisi tuko kuna sehemu kufalme. Nous vivons par ce que toi tu nous envoies. Tukunaishi kupitia bile ule Mungu weishi. Si nous sommes en vie. Kama tuko kwa bajima. Si nous sommes en bonne santé. Kama tuko mwa afya njema. Et que notre nom est cité. Na majina yetu bana Italia. C'est parce que le palais royal. Ni juu nyumba ya mfalme. Nous donne quelque chose. Natupatia kitu fulani. C'était seulement de la flatterie. Ilikuwa tu juu ya kumbembeleza mfalme. Or comme nous mangeons du sel du palais. Sawa vile tuko nakula kwa chumvi ya munyumba ya mfalme. Eh, il ne nous paraît pas convenable. Aina mzuri. Il ne nous paraît pas convenable. Haionekani mzuri. Kwetu. Kwetu sisi. De voir mépriser le roi. Ya kuona bana beula mfalme. Kuona bana beula mfalme. Konfa imepriser le roi. Nous envoyons au roi ces informations. Tunamujulisha mfalme hii habari. Qu'on fasse des recherches dans le livre de mémoire de tes pères. Bapa tu kutafutisha mukitabu ya ukumbusho ya baba zako. Tu verras et tu verras dans le livre de mémoire. Utaona na kutapata muhii vitabu ya ukumbusho. Tu trouveras et tu verras. Utapata na utaona dans le livre de mémoire. Mu vitabu ya ukumbusho. Que cette ville est une ville rebelle. Ya kwamba hii muji ni muji tomboji. Tu au roi. Ya mbaya kwa mfalme. Et aux provinces. Na kumajimbo. Qui est nuisible. Ya kwetu. Elle est nuisible. Iku ya hatari. Au roi et aux provinces. Iku ya hatari kwa mfalme na kwa majimbo. Et conseiller révolté. Conseiller livré à la révolte. Na ilijitoa kutombozi. Dès les temps anciens. Tangia zamani. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Joko mana hii muji bali bomolaka. Quoi bien aimé frère. Unaona. La ville n'a pas été détruite. Hii muji hawakuipomolake. Parce qu'elle s'était révoltée. Juu ilitombokaka. Contre le roi de Babylone. Kumutomboka mfalme wa Babeli. Ce qui a fait que la ville soit détruite. Ile ilifanya ke muji bali bomole. Ils avaient abandonné leur propre Dieu. Ni juba toto wa Israeli bali mwachaka Mungu wabo mwenyewe. Ils avaient péché contre leur propre Dieu. Bali mutendea ka Mungu wabo zambi. C'est leur propre Dieu. Ni Mungu wabo mwenyewe. Ils avaient livré entre les mains des méchants. Jari batoa umekona batu bakaidi babaya. Ou qu'ils soient châtiés par les méchants. Juba pati kuba pisa kwa batu babaya. Oui bien aimé frère et soeur. Dio nduku na dada mpendwa. C'est vrai. Ni vya kweli. C'était une fausse accusation. Ilikuwa ni mastaki ya bongo. Bien aimé frère et soeur. Bapendwa banduku na badada. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Sina na wakati ya kuingia katika upana. Frère, la Bible dit. Duku, Biblia nasema. Quand tu parles contre un frère. Wakati unasemea bibaya ntuku yako. Vous devez éviter de parler contre lui. Avec légèreté. Inapashi kuepuka kumusemea vibaya na mizaa. Il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Huko banduku mingi na badada mingi. Ils inventent beaucoup d'histoires. Banatunga bitu mingi. De fausses choses. Bitu bia bongo. Sur leurs frères et sur leurs sœurs. Yulu ya banduku yao na yulu ya badada yao. C'est autant où un frère ou une sœur a commis une erreur. Zaidi wakati ile nduku wala dada alikotoka. Ils prennent l'erreur de la sœur ou du frère. Banabeba nkosa ya nduku wala ya dada. Comme un cheval de bataille. Inakuwa sanjo penye par okushimamia. Il y a des choses que même la sœur ou le frère n'a pas fait. Dieu a congézé mon binto bila ta dada wala méchanceté. Il est ni rombaya. C'est de la méchanceté. Ni rombaya. Je n'ai pas le temps d'entrer Shina na wakati ya kuingia mwile ngambo. Il est mina penda tu kusema hapa. Il y a beaucoup de frères et de sœurs méchants. Huku banduku mingi na badada mingi babaya. Qui profite d'une erreur qu'un frère ou une sœur a commise. Beko na faidia mwile kosa ile duku wala dada alitenda. Pour lui charger des mensonges, des calomnies et des choses qu'il n'a jamais fait. Kumutuika masingiziano na banongezamo na kutoshamo. Pour que le frère ou la sœur soit toujours fautif et qu'il soit vu comme un démon. C'est de la méchanceté. Il est niromba ya. Même quand nous jugeons les couples. Atakama tukuna hukumu ndoa. Quand il y a une difficulté dans les couples. Magumu mondoa. Je me suis toujours étonné de voir kila mara mina shangaka un frère qui accuse des propos qu'il a des propos méchants à l'égard de sa femme. Donc où les constats n'a mis ces moments ya mubaya yule ya bibi yake. Et vous trouvez dans la bouche d'une sœur. Parce qu'il y a mukinyo adada. Des accusations méchantes. Mastaki moi ya rombaya ya ukaidi. Non, ce n'est pas honnête. Aina ya waki. De la méchanceté que Dieu punira son temps. Ni ukaidi le Mungu atapita wakati yake. Un frère a indifférent avec un autre. Donc moya wala dada moi avec tu na makokotana. Indifférent avec une autre. Mais pendant les jugements, on les auditionne. Il déclare des choses méchantes l'un contre l'autre. C'est Satan. Nous devons arrêter ces habitudes. Même si tu... Quand vous êtes dans un procès, kisambo, ne dites pas les choses pour paraître juste. Pour qu'on vous donne raison. Ce que nous faisons en tant qu'homme, en tant que serviteur de Dieu, ya Mungu, il y a les jugements de Dieu. Tout le monde doit comprendre et kuelewa, doit savoir que Dieu, kwamba, Mungu, les justes juges, jugera chaque parole. Jugera chaque pensée, jugera chaque action tendo, qui a été posée pendant votre vie. Wakati ya maisha yako. Il y a un livre de souvenirs. Kuku kitabu ya ukumbusho. Comme je le disais ces derniers jours, dans le culte du soir chez moi, vile na rukwa na isime masiko kumkongo, il y a un livre de souvenirs, une bande qui enregistre ta vie, tepe ile kuna bamba maisha yako, tes pensées, mawazo yako, tes paroles, misemo yako, tes actions, mitendo yako, tes sentiments, mania yako, tout est enregistré. Yote wanabibamba. Et vous répondrez na utasambaka pour chaque acte, jua kila tendo, chaque parole, kila musemo, chaque pensée, kila wazo, chaque sentiment, kila nia, qui s'est levé en vous il est pendant yako, votre séjour terrestre. Wakati ilo kwa naishi pa dunia. C'est des propos méchants. Ni misemo ya mbaya. On ne doit pas le faire. Atupashi kufanya vile. C'est à cause de la méchanceté ni kwa de cette ville qu'elle a été détruite. Kwa ajili ya rumbaya, hii muji njoma na badi pomona. Nous, au verset 16, nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie, et si ces murs sont relevés, par cela même, tu n'auras plus de possession de l'autre côté du fleuve. Tu ne vas pas régner de l'autre côté du fleuve. Frère, Doko, ma soeur, Dada Yangu, ce n'est pas bien ce que ces gens ont fait. Aina muzuri iki ababantu barifanya. Ils ont poussé barisukuma le roi Mofalme Assyrius Asuero d'arrêter le travail de Dieu. Asimamishe kazi ya Mungu. Et effectivement, akika, ces travaux furent arrêtés. I kazi ya mayengo barisimamisha. Jusqu'au règne du roi Darius, roi de Perse. C'est ce que nous pouvons lire dans Ezra chapitre 4, verset 17 à 21. Et au verset 18, il est dit, la lettre que vous... C'est la réponse à leur lettre. Hein? La lettre que vous avez envoyée a été lue exactement devant moi. Ni jibu ya mfalme. Barua ile mlituma ilisomewa kabisa mbele yangu. J'ai donné ordre. Na leta agizo. De faire des recherches. Ya kwamba watafutishe. Et que l'on a trouvé que de les temps anciens. Na banapata ya kwamba tangia manyakati ya zamani. Cette ville s'est soulevée contre le roi. Ii muji ili tombokea kaba falme. Et qu'on s'y est livré à la séduction et à la révolte. Na kwamba walijitoa kutongozi na kutomboka. Regardez les méchants aussi. Tazameni huyu mubaya na ye. Voyez que pendant le règne de Cyrus, japo mwakati ya utawala ya mfalme Asiri, il y avait des conseillers kwa ba shauri qui étaient corrompus, bale bali kataka milomo, à qui les ennemis envoyer de l'argent bali ba dui bali tumia ka pesa pour arrêter les travaux jo wapate kusimamisha kazi ya majengo. Mais celui qui ne voulait pas signer ula sikupenda ke kutia saini qui ne voulait pas signer asikupenda kutia saini et que les juifs arrêtent le travail ya kwamba bayuda basisimamishe kazi était déjà mort alikuwa anaisha kufa. C'était notre roi. Sasa ilikuwa ni mfalme mwingine. Oui, il n'avait pas autorisé. Yashikuruhusiwa ke était déjà parti. Surisi alikuwa anaisha kufa. Quand ces gens écrit sasa wakati hapo watu wako naandika au nouveau roi wanamwandikia mfalme mpya. Il n'a pas la réalité de l'affaire. Ula sikujue mambo ukweli. Il passe pas les anciens, pas les anciens, mais conseillers qui étaient déjà corrompus. Les conseillers qui étaient corrompus, ils sont allés dans l'histoire d'Israël. Ils ont regardé quelques erreurs que Israël avait faites. En se révoltant contre les rois, ils ont soulevé ces erreurs là. Ils l'ont brandi devant le roi. Et c'est sur base de ces petits éléments-là que le roi décida d'arrêter le travail. C'est ce que fait un méchant. Quand un méchant accuse quelqu'un dans la méchanceté, quand un impie accuse quelqu'un dans la méchanceté, il ne fera jamais quand de toutes les bonnes choses que cet homme qui l'acquise a déjà fait. Il va seulement soulever ses erreurs. C'est encore un grand péché que tout homme honnête doit fuir. Même si tu as des différends avec ta soeur, tu as des différends avec ton frère, tu as des différends avec ton épouse. Ata kuna mambo na bwana yako. Yale différent avec ton épouse. Est-ce que le monde kuna yeye mambo? La personne à qui tu as des différends. Ata kuna bintu bizuri anaisha kukufanishia ka. N'a-t-il pas de bonnes choses qu'il a déjà faites? Opa bintu bibaya. Il n'y a que de mauvaises choses. On soulève les mauvaises choses par méchanceté. Bah on échappe bien tu vivais avec un petit homme quelqu'un. Et c'est cela même la règle de la Bible. Joigne chérie à Biblia. On tait ce qui est mauvais. N'a pas ce qu'on a pu dire. On brandit ce qui est bon. On échappe pas bizuri bien. Voilà l'attitude chrétienne. Il est jo ali ya bu Christo. Ouais bien mes frères. Non on ne te comprend. Où qu'on a bwana yako pendant 20 ans. Tu es avec ton mari pendant 20 ans. Comment on a anza kusema? Dès que tu commences à parler. Oui, ni pak ni shetan ni tout pas shetan. Quand quelqu'un t'écoute, c'est comme si ton mari là n'est pas jamais fait du bien en aucun jour. Mais batote. Et les enfants. Nazala nai. Vous avez eu des enfants avec lui? Pendant 20 ans qu'on parle monsieur. Il y a comme akumi bile, il n'est que mauvais. Comme ni bwana na ye, comme le mari aussi. Et qui commence à parler comme ça, son épouse. Dans 20 ans, alors quoi qu'on aille chez pas qu'un Satan. Il vivait seulement avec un Satan. Il n'y a jamais fait du bien à ce gars. Quelle attitude, hein? Cette attitude est là. Attitude, y a Satan. C'est une attitude de Satan. Y a batoto, y a Satan. Dans la vie des enfants de Satan. Avec la il ne voit jamais les bienfaits que les autres ont fait. Il soulève seulement les mal que les autres ont fait. Dieu a Abouzaïf Bamwili. Tout homme mutu wote n'est parfait. Ana mukamilifu. Même quand vous pointez les autres. Ata wakati unashota watu wengine. Voyez, il y a les autres doigts qui vous pointent toi-même. Huko bilole vingine vinakurudiria wewe mwenyewe. Vous pouvez trouver même un homme plus méchant, une femme la plus méchante. Mais je coûte à mutu mbaya mwanamke wa mwanaume. Bubaye waki mule anabushika. Mais il parle de la méchanceté de quelqu'un d'autre. Yego nasemea paka bubaya wa mtu mwingine. Ce n'est pas bien. Aina mzuri. Voyez. Munaona. Il lui à Jérusalem verset 20. Il lui à Jérusalem de roi puissant. Ulikuwa ku Yerusalemu bafanme ba uwezo. Voyez comme Salomon, comme David. Sawa Salomon na Daudi. Comme Josaphat. Sawa Josaphat. Il lui à Jérusalem de roi puissant. Yerusalem ba fanme ba uwezo. Maître de tous les pays. Bakubwa, de l'autre côté du fleuve bakubwa ba inchi kuile ngambo ya mto auquel on payait tribu, wale walikuwa nalipa palata, impôt, taxe impôt, palata na et droit de passage. Na ruhusa ya kupita. En conséquence, verset 21, Dieu a ile ordonné de faire cesser les travaux de ces gens. Uruhusu bashimamishe kazi ya babantu. Afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Ili hii muji washiyengulule mbele ya kuruhusiwa kwako. No, de ma part, c'est le roi qui répond. Ah, ni mfalme anasema. Donc de ma part. Washimamishe washiyenge avant l'autorisation de ma part. Mbele ya ruhusa yangu. Gardez-vous de mettre cela de mettre en cela de la négligence. Musopoke mushisule hii mambo. De peur que le mal n'augmente au prejudice des rois. Juu ya bubaya busiongezeke juu ya ngambo ya mfalme. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès, kisha hii karatasi lue devant Rim, kisha hii karatasi ya mfalme Artaxerxès kusomewa mbele ya Simshai le secrétaire, Simshai mwandisi et leurs collègues, ils allèrent en hâte wakaenda kwa haraka à Jérusalem vers les Juifs Jérusalem mbele ya Bayuda, et ils firent cesser leurs travaux par violence et par force. Wakaenda kusimamisha kazi yao kwa nguvu na kwa ukali. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Pale njo kazi ya majengo ya nyumba ya Mungu kusimamisha. Et il fut interrompu jusqu'à la deuxième année du roi. Jusqu'à la deuxième année du règne de Darius, roi des Perses. Wakashimamisha majengo ya nyumba ya Mungu kufika na mwaka wa utawala wa pili wa mfalme Darius. C'est ce qui a été fait. Hii ndio ilifanyika par la méchanceté de ces gens. Kupitia roho mbaya ya aba bantu. Maintenant arrivé en 458. Sasa kufika mu miaka 458. Le roi Assyrus n'était plus là. Mfalme Assyrus ashukuye kotena. C'était maintenant sous le règne de Darius. Ikakuwa sasa chini ya utawala ya mfalme Darius. Et avant que cela n'arrive, mbele ya ile kufika, il y a eu effectivement des hommes de Dieu comme le prophète Agée, Zacharie, Josué. Ulikuwa batumishi ya Mungu sawa nabii Agé, Zacharie qui encourageaient leurs frères à rebâtir la maison. Baritia moyo banduku yao ya kwamba bayengulule nyumba ya Mungu. Parce que le roi Assyrus qui les avait arrêtés n'était plus. Je me falle mais Assyrus ou la ribe chimamisha kasikuye kotena. Et les frères et les Juifs, les fils de la captivité. Na bayuda bale batoka mufungwa. Avaient accepté l'exhortation de leurs frères. Et quand les ennemis apprirent que la reconstruction avait repris, c'est ainsi qu'ils écrirent une lettre au roi Darius. Darius. Mais cette fois-ci, le gouverneur était honnête. Liwali alikuwa wa moyo wa uwaki. Il avait très bien parlé. Alisema kama mzuri sana. Si, lorsque vous lisez sa lettre, mukisoma barua yake, Ezra chapitre 5, Ezra sura ketano, quand vous lisez la copie de la lettre à partir de 6, mukasoma kartasi ya barua yake mstari ya 6, jusqu'au verset 17, kufika na mstari ya 17, vous trouverez mutaona que le gouverneur ya kwamba uliwali Tainai avait du bon sens. Alors il écrit sa lettre, il dit ceci. Anaandika barua yake na kusema hivi. Et d'abord lui-même est parti. Yeye mwenyewe kwanza alienda. Il est allé, quand vous prenez le verset 3, ukichukua mstari ya 3, le verset 4, mstari ya 4, lorsqu'ils sont allés voir les Juifs qui rebâtissaient la maison de Dieu, wakati alienda kuona Bayuda wale walianza kuyengulula nyumba ya Mungu, on les avait posé la question de savoir qui leur avait donné l'autorisation de bâtir. Bali bauliza ni nani alibapacha ruhusa yao kuyengulula hekalu. À cette question, les enfants d'Israël avaient très bien répondu. Et le gouverneur devait donner maintenant rapport au roi Darius. Dans son verset 7, il dit, d'Esdras chapitre 5, ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu. Bakamuonesha hii ripoti hii wafanya muina mna. O roi Darius, salut. Kwa mfalme Darius amjambo. Que le roi sache. Mfalme apate kujua. Que nous sommes allés dans la province de Juda. Ya kwamba tulienda mujimbo ya Yuda. À la grande maison du grand roi. Munyumba munene ya mfalme mkubwa. Il s'est construit en pierre de taille. Ikuna jengewa na maibo yenye kuchongwa. Et les voix se posent sur les murs. Na mambao wanaiweka pa ukuta. Le travail marche rapidement et reçu entre leurs mains. Na kazi inaendeka kwa haraka inawezekana kwa mikono yabo. Nous avons interrogé les anciens. Tuliuliza wazee. Et nous leur avons parlé ainsi. Na tuliwaambia hivi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Nani alimpatia ruhusa ya kuyengulula hii nyumba na kuyengulula hii nyumba? Nous leur avons aussi demandé les noms pour les noms, leurs noms. Tulibauliza tena na majina yabo. Pour te les faire connaître. Jutu kujulisha hiyo. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Na tuliandika majina bale balikuwa na baongoza. Verset 11. 11. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Tazama jibu ile walitupatia. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Tuku batumishi ya Mungu wa mbingu na dunia. Ça j'ai beaucoup aimé. Hii nalipenda sana. Na Mungu anapendaka. Dieu aime. Kujiaproprie yeye. Sana proprie. Kama unamweka mkilari, yeye atakuweka mkilari. Dieu aussi viendra à toi. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Tuku batumishi ya Mungu. Et nous rebâtissons la maison qui a été construite il y a bien des années. Tukuna yengulula nyumba ile iliyengwaka tangia zamani. Un grand roi d'Israël avait bâti et achevé. Mfalme mkubwa wa Israël aliyengaka na kumaliza. Mais après que nos pères eut irrité le Dieu des cieux, kisha baba yetu kumshirikisha Mungu wa mbingu, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen. Alibatoa mikono ya mfalme Nebuchadnezzar, mfalme wa Babeli. Il détruisit cette maison et amena le peuple captif à Babylone. Ula ripomonaka hii nyumba na kubeba taifa mfungwa kule ku Babeli. Dieu aime quelqu'un qui dit la vérité. Mungu anapendaka mtu ule konasema ukweli. Quand quelqu'un dit la vérité même en face du danger, wakati mtu uko nasema ukweli hata mbele ya hatari, Dieu le défendra. Mungu atamkomba. Regardez comment ils ont dit. Ils ont dit la vérité. Comment la maison a été construite. Pourquoi elle a été détruite. Et pourquoi le peuple a été amené en captivité. Ils ont reconnu leur tort. Ils ont même cité les rois que Dieu avait utilisés. Pour les amener en captivité. Et ils se sont reconnus eux-mêmes. Comme des enfants égarés avec leur père. Toutefois, malgré tout ce que nous vous disons là, et tout ce qui est arrivé, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or. Na mfalme Cyrus alitosha vyombo vya Babeli vya zahabu, d'argent, ya feza, de la maison de Dieu, ya munyumba ya Mungu, que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Vile Nebuchadnezzar alibebaka munyumba ya Yerusalemu. Et transporté dans le temple de Babylone. Na kuipeleka mwekalu ya Babeli. Il le fit remettre au nommé Zorobabel. Na alirudisha mikono ya Zorobabel. Qui l'établit gouverneur. Wali. Et il lui dit, prends les ustensiles, kwamba, va les déposer dans le temple de Jérusalem, vivyombo, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur sur les lieux où elle était. Nyumba ya Mungu iyengulule mufazi lelikuyaka. Saint Zorobabel est donc venu. Uyu Zorobabel njua likuja. Et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Ariweka musingi ya nyumba ya Mungu ku Yerusalema. Depuis lors jusqu'à présent. Tangia na sasa. Elle s'est reconstruite. Ikuna yengululwa. Et elle n'est pas achevée. Na yo balo kumalizika. Mais si le roi le trouve bon, alakini kama inampendeza mfalme, que l'on fasse des recherches dans la maison du trésor du roi de Babylone. Batafutishe munyumba ya zina ya Babeli. Pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus, jubaone kama kurukwako sehemu ya upande wa mfalme Cyrus, un ordre, agizo, vous voyez, un ordre donné pour la construction de cette maison dédiée à Jérusalem. Ya Mungu kule ku Yerusalem. Oui, que le roi nous transmette sa volonté à cet objet. Na mufalme atutumie mapenzi yake kufuatana na hii kazi. Vous voyez les deux lettres, hein? Munaona hii mabarua mbili. Ici le gouverneur hapa liwali avait fait un bon rapport. Alifanya ripoti mzuri. Sans parti pris. Bila kuwa na upande ile anategemea. Voyez. Munaona. Et il avait répété. Alipituluka. Mot à mot. Musemo kwa musemo. Sans méchanceté. Bila kuwa na roho mbaya. Les paroles. Misemo. Que le chef de Juda. Ile bakubwa ya Yuda. Avait donné au gouverneur. Bali mpatia liwali. Voyez bien mes frères. Munaona ntuku mpeni. Voyez bien mes sœurs. Munaona dada mpeni. C'est ainsi qu'après avoir lu ce rapport. Jo kisha kusoma hii ripoti. En 558, avant Jésus-Christ, Jésus-Christ kuwako, le roi Cyrus, mufalme Cyrus confirme anakikisha l'édit du roi, le roi Darius, mpango ya mfalme Darius, le roi Darius, mfalme Darius confirme l'édit anakikisha du roi mpango Cyrus, ya mfalme Cyrus et ordonne na anarusu sasa la reconstruction bayengulule du temple de Dieu à Jérusalem. Hekalu ya Mungu ku Yerusalema. Voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpeni. Dans Ezra chapitre 6, Ezra sura 6, ici vous voyez au verset 1, mstari ya kwanza, jusqu'au verset, kufika na kumstari, jusqu'au verset 6. Kufika na mstari ya 6. Là maintenant, pale sasa, le roi Darius donne l'ordre. Mfalme Darius analeta agizo. On fasse des recherches. Bapate kutafutisha. Et quand on fait des recherches, wakati wanatafutisha, effectivement on trouve Achika, banapata Assise la capitale. Kule kusuza mji mnene. Alors on trouve bakapata un livre dans lequel kitabu mule le roi Cyrus, mufalme Cyrus wa kupeta, avait effectivement akikari donné l'ordre aux Juifs alitaka gizo na Bayuda de rentrer dans leur pays barudie mwinchi yabo kizalikio et de la maison de Dieu na bayengulule nyumba ya Mungu. Ils ont aussi trouvé na bo balikakuta tena le roi Cyrus ya kwamba mfalme Cyrus avait pris les ustensiles alichukua kana vile la maison de Dieu ya mu nyumba ya Mungu que Nebuchadnezzar le roi de Babylone ile Nebuchadnezzar mfalme wa Babeli avait récupéré dans le temple de Jérusalem. Vous voyez, donc ils avaient confirmé les paroles des chefs, ya mkubwa chef, les chefs ya bakubwa de Juda, ya jamii ya Juda. Et quand il confirme cela, wakati anahakikisha ile, le roi maintenant réautorise, mfalme sasa anaruhusu mara ya pili la reconstruction bayengulule. Et il dit ceci dans le chapitre 6, anasema hivi msura ya 6. Écoutez, quand Dieu commence à agir, wakati Mungu ananza kutenda, j'aime beaucoup sa réponse. Mimi penda sana jibu yake. Ça me réjouit souvent quand je lis sa réponse ici. Inanifurahisha sana wakati mimi unasomulula jibu yake. La réponse du roi Darius. Jibu ya mfalme Darius. Quand Dieu, wakati Mungu commence à agir, ananza kutenda, dans son œuvre, mukazi yake, aucun ennemi, hakuna adui hata moja, ne peut résister. Hawezi kushindana naye. Ndoko. Ma sœur, dada yangu, même les termes, hata misemo, que ce roi a utilisé, ile mfalme alitumikisha, c'était pour laisser un champ libre, ilikuwa juu ya kuacha wazi, que la maison de Dieu se rebâtisse, nyumba ya Mungu ijengulule, jusqu'à son achèvement, kufika na kumalizika hiyo. Dieu maintenant avait décidé, sasa Mungu anachungua mpango, il n'y a plus aucun obstacle, usikuwe kizuizi hata kimoja, pour la reconstruction de sa maison. Je vais bientôt m'arrêter parce que l'état est arrivé à la fin. Je lis seulement nous allons commencer cela. Nous avons commencé cela et nous allons commencer par là demain. Tutaanzia pale kesho. Écoutons seulement la réponse. Tusikilize tu jibu ya mfalme. Et l'ordre qu'il donne. Na agizo analeta. Ezra chapitre 6. Ezra sura 6. Verset 7. Mstari ya 7. Maintenant il donne l'ordre. Sasa analeta agizo. Au gouverneur. Kwa liwali. Qui était de l'autre côté. Ula alikuwa ile ngambo ingine. Ah, du fleuve. Ya muto. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Mwache baendele majengo ya hii nyumba ya Mungu. Que le gouverneur des Juifs. Liwali wa Mayuda. Et les anciens des Juifs. Na wazee wa Yuda. La rebâtisse sur l'emplacement qu'elle occupait. Baiyengulule mu misingi ile likuwaka. Il confirme. Anakikisha. L'édit du roi. Mpango ya mfalme Suris. Voici l'ordre que je donne touchant ce qui aurait à faire à l'égard des anciens des Juifs. Tazama agizo ile mina agiza yenye kugusa kwa yenye kuelekea. Pour la reconstruction de cette maison de Dieu. Wazee wa Yuda jua kujengulula nyumba ya Mungu. Les frais. Ya kwanza malipo. Prisi le bien du roi. Ile walichukua juu ya mkono ya mfalme. Les frais pris sur le bien du roi. Malipo ile balibeba. Les taxes, maman, le frère. Maman. Les taxes qui sont prélevées sur le bien du roi. Il est vrai qu'on a bébé. Du roi, provenant des tribus de l'autre côté, seront exactement payés à ces gens afin qu'il n'y ait pas interruption. L'argent qu'on devait payer, les taxes qu'on devait payer de l'autre côté, il est Babylone pour le service royal. Le roi Darius dit, cet argent-là il est ne peut plus venir ici à la capitale, que cet argent-là il est soit remis au responsable d'Égypte qui utilise cela à la construction de la maison de Dieu afin qu'il ne manque pas d'argent et qu'il n'y ait pas d'interruption. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Lui-même est à la commande. Yeye mwenyewe mfalme anaingia mu ile kazi. Les selles des ennemis, les selles des ennemis. Chumvi ya bale baadhi. Ils avaient écrit. Bariandika. Nous mangeons du sel. Tuko na kula chumvi ya mfalme. Et les selles les fit couper. Na bari kataka ile chumvi abaipate tena. Vous avez compris cela? Munaelewa? Bale ba ennemi bari semaka tunakuriaka tukonevakize juu tunakuriaka ako kipande ya ile mataxe ile ambao banakuripaka atuwezi kikala kimya de la part de ces taxes qu'on vous paye Mungu akibakonfondre naje pour les confondre ile mataxe mwamwe banakuriaka banashikana mutamu banaipatia bayuda juu iyenge nyumba ya Mungu pour que ça continue la construction de l'œuvre de Dieu. Tout ce que méchant amas il est l'amasse pour les justes. Il est yote mutu mubaya na jaza anaijaza juu ya baaki. Ah, c'est vrai. Bia kweli. Quand un méchant amasse l'argent, il amasse cet argent-là. Anaiacha fedha. Pour qu'un juste puisse en profiter. Anaiacha juu ya mtu mwenye haki apate kuifaidia. Oui, bien aimé frère, continuons. Afin qu'il n'y ait pas cause d'interruption. Kushikwe kushimamishwa kwa majengo. Les choses nécessaires, verset 9. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, voilà, mazabihu ya Mungu aliye juu. Jeune taureau, bélier et agneau, ngombe na bana kondo, bouzi na kondo, froment et sel, gano na chumvi, vin et l'huile, pinyo na mafuta, seront livrés sur l'aile de main aux sacrificateurs de Jérusalem, bakuani ya Yerusalem, jour par jour. Siku kwa siku. Sans manquer. Bila kukosewa. Voyez bien le même frère. Unaona ndugu mpendwa. Je vous donne l'ordre. Na mipatia agizo. Ile nchumbi mlianza kutuma huku. C'est celle que vous envoyez ici. Maintenant il faut leur donner au juif. Na mipatia kusema. Je vous dis encore. Je vais de kushikia kusema. Je ne voudrais jamais entendre. Analala na njala. Que sacrificateur passe nuit à faire. Où ils sont dans les marquements. Les sacrifices sacrifiés à leur Dieu. Écoutez. Mosikie. C'est vrai. Dans le verset 10. Misare afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux. ili wapate kutoa masadaka ya harufu njema kwa Mungu wa mbingu. Et qu'il prie pour la vie du roi et de ses fils. Ili wapate kuombea juu ya bushima wa mfalme na watoto yake. Darius était conscient. Darius alijua. C'est le Dieu d'Israël qui donne la royauté et la domination. Ya kwamba ni Mungu wa Israeli ndio analeta ufalme na utawala. Munipatie dakika 5. Je vais terminer la lettre. Tamaliza barua hii. Darius était conscient. Darius alijua. Que sa royauté. Ya kwamba ufalme wake na domination na utawala yake. Venait du Dieu d'Israël. Ni wanatokea kwa Mungu wa Israeli. Et quand l'ordre réalisé. Wakati analeta agizo anasema. Et croyant que. Mwenye kuamini ya kwamba. Il y a que le Dieu d'Israël. Paka Mungu wa Israeli. Il peut venir. Anawezi kubariki. Voyez, et qui peut protéger la royauté. Anawezi kulinda ufalme. Il dit, anasema, donnez-le. Uwapatie. Les béliers. Mangombe. Les agneaux. Anakondo. Qu'ils aient quelque chose à offrir. Bakweko na kitu a kutoa. Au Dieu d'Israël. Wa Mungu wa Israeli. Pour que ce Dieu-là. Dieu ule Mungu. Me bénisse moi Darius. Anibariki mi Darius. Et qu'il bénisse aussi mes enfants. Abariki tena na batoto yangu. Quelle révélation. Ufunuo kani ile. Duku. Nous avons un véritable Dieu. Duku na Mungu wa kweli. Quand vous le servez de tout votre cœur, wakati unamtumikia na moyo wako wote, il vous bénira, atakubariki, et il vous protégera, atakulinda. Nous n'avons rien à craindre. Hatuna na kia kuogopa. Wakati Mungu anaanza kazi fulani, aizuru maadui, elle s'achèvera avec vous. Atamaliza ile kazi pamoja nawe. Une partie de son plan. Wani uku sehemu ya mapla yake. C'est vrai frère. Ya kweli ndugu. Afin qu'il prie pour moi. Ili wapate kuniombea. Voyez. Unaona. Voyez. Unaona. Les sacrificateurs prient. Bakuani baombe. Pour le roi Cyrus. Baombe mfalme. Pour le roi Darius. Mfalme Darius. Et Dieu du ciel. Na Mungu wa kumbini. Bénis le roi. Abariki mfalme. Bénis ses enfants. Na batoto yake. Oui bien mes frères. Dio ndugu mpeni. Oui bien mes sœurs. Dio dada mpeni. Parce qu'il est écrit dans Nombre 6. Imeandikwa Mhesabu 6. C'est de cette manière qu'on bénit. Ni muina muna wako na bariki. C'est pas la bouche des sacrificateurs. Kupitia vinywa vya bakuani. Que l'Éternel bénisse son peuple. Dio milele na bariki taifa yake. Quand un véritable serviteur de Dieu. Wakati mtumishi wa Mungu wa kweli. Te béni. Anakubariki. Réellement béni. Hakika unabarikiwa. Ce n'est pas lui qui te bénit. Ana yeye anakubariki. C'est le Dieu qui habite son âme. Ni Mungu anaketi moyo wake ndio atakubariki. L'homme lui-même n'a pas de bénédiction. Mungu mwenyewe hana na baraka ya kubariki. Oui mes frères. Mais le Dieu qui habite en lui. Mungu mwenyewe kesi ndani yake. Mungu anatumikia. C'est lui qui porte la bénédiction. Yeye ndiye kuna baraka. C'est vrai. Bia kweli. Et il dit ceci. Na anasema hivi. Voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. Kazama gizo ile mimi naleta yenye kugusa ule wote atavunja hii msemo. On arrachera de sa maison une pièce de bois. Batabeba munyumba yake sehemu ya mti. On dressera pour qu'il soit attaché. Batai simamisha juu apate kumfunga. Batai shimika juu amfungie yeye. Shimika juu amfungie kwa nini? Et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Batafanya nyumba yake ikwe kitaya ya bipomone. Un tas d'immondices. Ya uchafu. Voyez. Il tabakia pa kama hivu. Ça sera de immondices. Voilà mes frères. Unaona tu kumpe. Ule atakata la bile mimi nasema. C'est lui qui va s'opposer à ce que j'ai dit. On ira à sa maison. On va arracher un bois. On va dresser. Et on va les lier à ces bois. Sa maison servira d'immondice. Servira d'immondice. Bataille kabisa kabisa. On ne se moque pas de Dieu. Vous voyez bien mes frères. Quel est Dieu Mungu qui fait résider en son lieu son nom? Ule naweka jina lake. Ça c'est très important. Hii ni ya mafa. Quel est Dieu Mungu qui fait résider en son lieu ule naweka son nom. Pahali pake jina lake. Renverse tout roi. Angushe mfalme wote. Et tout peuple. Na taifa yote. Qui étendrait sa main. Ule atanyolosha mkono yake. Pour transgresser ma parole. Ya kuvunja sauti yangu. Pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Ya kubomona hii nyumba ya Mungu wa Yerusalemu. Mie Darius. J'ai donné cet ordre. Nalete ya agizo. Qu'il soit ponctuellement exécuté. Apate kuitumikisha kabisa kabisa. C'est vrai. Bia kweli. Quand Dieu agit. Wakati Mungu anatenda. C'est terrible. Ni hatari. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Mfalme anafoka. Le roi a tombé. Anasema. Il a dit. Ule Mungu alinipatia ufalme. Et c'est Dieu qui m'a donné la royauté. Donc, hapa miko nasema. Dorénavant que je parle. Ule atapima. celui qui osera d'étendre sa main, d'arrêter la construction qu'on construit pour le Dieu d'Israël en Israël, cet homme-là, ce roi-là, que son royaume soit tombé, que ça soit détruit. C'est vrai, frère. Na nyumba yake ipomolewe. Que sa maison soit détruite. C'est vrai. Ya kweli. Ni nasema hivi. Je le dis ainsi. Na vile mimi nasema. Et ce que je dis. Bishitese mkinto hataki mumsemo hata moya. Que ça ne puisse jamais tomber. C'est ainsi. Ni muina muna. Après que cet ordre est donné. Kisha kuleta ya gizo. Tous les ennemis se sont tus. Badi bote barikala kimya. Quand Dieu parle. Wakati Mungu anasema. Tous les ennemis. Badi bote, rekonekala kimia. Quand Dieu parle, wakati Mungu anasema, toute la tempête se calme. Zoruba yote neka kimia. Il est le maître de toutes choses. Wabitu biote. Quand Dieu a parlé, wakati Mungu alisema, au travers de l'œuvre du roi Darius. Ya mfalme Darius. Ce n'était pas Darius qui parlait. Alikuwa Darius alikuwa anasema. Alikuwa ni Mungu wa Israeli alikuwa anasema. Darius. Ya milomo ya Darius. Et quand il a parlé, wakati alisema, les ennemis Badoui, se sont tus. Bote barika kimya. Na kazi ya Mungu. Iliendelea mzuri. Kufikana kumalizika hiyo. C'est vrai. Bien kweli. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Mungu amibariki juu ya magharibi ya leo. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Tunapaswa kumtumainia Mungu wetu. Frère, il est le tout puissant. Juu yeye wa uwezo wote. Kama magumu inakuja. Dès qu'il y a des difficultés. Mungu ndiye anaruhusu ile magumu. C'est Dieu qui le permet. Pour imani yako ijaribiwe. Pour que ta foi soit éprouvée. Mais simama pa Mungu. Sois stable. Tiens-toi sur Dieu. Soyez fondé sur ce rocher de ça. Ujengwe pa hii mwamba wa vizazi. Vous ne serez jamais ébranlé. Hawezi kama kutenga. Et vous verrez la victoire de Dieu. Na utaona ushindi ya Mungu. Dieu est toujours vainqueur. Mungu anabakia paka mshindi. Il donne la victoire. Analeta ushindi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous donne la victoire. Sur toutes choses. Lève-nous pour la prière. Dieu à maombi. Accente voilà. Amen. Alléluia. Accente voilà. Aksante Bwana, Bwana, Amen, oh Amen, Alléluia, oh Amen. Prions-nous tous ensemble. Tombe si tu n'étais pas moja.